Continent Science, Stéphane Delisgeorge. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques tous les jours à 14h, en direct du studio numéro 1 de la Maison Ronde, de la Maison de la Radio, bonjour à toutes, bonjour à tous. À notre thème aujourd'hui, notre sujet, notre curiosité, nous allons donner le nom de « À la poursuite des ondes gravitationnelles ». Et pour cela, nous allons écouter Pierre Binutru qui a écrit un ouvrage strictement intitulé « À la poursuite des ondes gravitationnelles » et qui est une sorte de, une manière d'écho, de complément avec une émission que nous fîmes il y a peu, avant le grand saut de l'été, avec Jocilk, concernant les ondes gravitationnelles primordiales. Mais nous n'allons pas abandonner tout de suite notre habitude, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens une fourmi. Une fourmi argentée du désert, alias, en langage de science, Cataglyphis bombicinus. Cataglyphis bombicinus. Les animaux qui foulent le sable brûlant du Sahara en pleine journée sont rares. Ils préfèrent bien évidemment attendre les fraîcheurs nocturnes. La fourmi argentée, elle, sous un soleil de plomb et par 50, voire même 70 degrés, s'active à chercher les cadavres de ceux qui, contrairement à elle, n'ont pas supporté et la chaleur et le manque d'eau. Parfois, cette fourmi doit cependant rejoindre une sorte d'abri thermique, le sommet d'une plante ou d'un petit rocher. Il lui permet d'évacuer le trop-plein de chaleur et de rester sous les 53, degrés, c'est-à-dire son seuil critique. Comment l'insecte arrive-t-il à résister à de telles températures? La réponse se trouve dans ses poils. Ses poils brillants qui lui ont valu d'ailleurs son nom de fourmi argentée. Des chercheurs ont exposé des Cataglyphis bombicinus avec poils et avec sans poils à des températures de 0 à 65 degrés. Et à une partie seulement du spectre solaire. Dans une autre expérience, ils ont imbibé les poils avec de l'éthanol et ont observé les nouvelles propriétés du pelage de cette fourmi. Les chercheurs ont aussi étudié quel avantage prodiguait la configuration de ce manteau qui ne recouvre pas tout le corps de la fourmi, mais laisse sa partie ventrale nue. Les fourmis poilues réfléchissent mieux les lumières du visible et proche de l'infrarouge, celle qui constitue la grande majorité du spectre solaire, dont les principaux rayonnements de chaleur. Les poils permettent une réflexion de 67% contre 41% sans les poils, bien sûr. Dans les infrarouges moyens, moins nombreux, l'effet réflectif diminuait rapidement, et c'est au contraire l'émission de chaleur que du corps de la fourmi que la chaleur augmentait. Quant aux variations de la température externe, les poils permettaient à la fourmi de mieux stabiliser sa température interne. Une incroyable, une étonnante variété de réponses à la lumière et dont le secret réside dans la forme de ces poils soigneusement rangés. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail de cette organisation, elle est presque nanométrique, mais sous le microscope, on découvre, pour aller vite, des creux et des bosses sur lesquels la lumière, suivant son angle d'arrivée sur l'animal, ricoche avant d'être déviée. Réfléchir sur les sources de chaleur, renforcer ses pertes de chaleur, cette fourmi argentée, sans hésiter, on peut dire qu'elle bénéficie d'une adaptation minutieusement faite pour tout le temps rester au frais. Bonjour Pierre Binetouri. Bonjour Stéphane. À l'ordinaire, on présente très souvent la physique dans les livres de popularisation par la lumière. Et vous avez joué, vous, la gravitation. Alors, petite précision, je dois dire que vous êtes physicien et cosmologiste, d'une certaine façon, mais commencez maintenant, le monde des particules rejoint, donc de l'infiniment petit rejoint le monde de l'infiniment grand. Et d'ailleurs, pour commencer, j'aimerais donner notre adresse, puisque vous la donnez. Donc, je vais l'indiquer pour qu'on sache très exactement où est ce studio numéro 1. Notre adresse intergalactique, c'est la Terre, le Soleil, la Voie lactée, le groupe local et l'amas de la Vierge. Il y en a de l'histoire là-dedans, hein, simplement en disant notre adresse. Alors effectivement, il y a toute une histoire, puisque on va du local de la Terre, notre système planétaire autour du Soleil, jusqu'à notre galaxie, l'amas de galaxies dans lequel nous sommes. Et plus on s'éloigne de cette Terre, plus on regarde aussi dans le passé. Donc il y a vraiment une histoire. C'est-à-dire qu'on regarde une histoire quand on s'éloigne, quand on regarde le ciel, en fait. C'est une histoire qu'on regarde, c'est l'histoire de notre univers qu'on regarde, et pas seulement l'univers aujourd'hui, pas du tout l'univers aujourd'hui. Oui. Plus c'est vieux, plus c'est loin. Voilà. Et ça, quelque part, on le sait, parce que la vitesse de la lumière est finie, et pourtant... on a beaucoup de mal à l'intérioriser, si je puis dire. Je très souvent, même en tant que physicien, il m'arrive d'oublier ça et de faire des approximations, justement, parce que c'est quelque part c'est difficile à totalement appréhender qu'on est enfin en train de regarder l'histoire de l'univers qui se déroule devant nos yeux. Et parfois des étoiles mortes, des étoiles éteintes. Voilà, c'est ça. Alors, a priori, on se dit oui, la vitesse de la lumière est finie, donc oui, c'est bien connu. Quand je me dis que je vois cette étoile là très loin et que peut-être elle s'est éteinte entre temps, que c'est pas du tout l'état de l'étoile aujourd'hui, mais là, on commence à se dire mais tiens, qu'est-ce que je suis en train de regarder en fait. Alors, Pierre Binetouri, je reviens sur l'idée en général, et ça s'est apporté bien sûr aussi par l'actualité du développement de la physique des hautes énergies, en particulier, et des cosmologues qui sont, ou des cosmologistes qui sont absolument et immédiatement intéressés par les résultats. Donc, on parle souvent de la lumière, et on parle souvent des interactions, et on parle souvent des interactions quand elles sont unifiées, et évidemment, si on remonte par exemple à 1983, il y a eu une grande actualité pour parler d'un certain type de forme, de force, pardon, et de la réunification de deux forces qui jusqu'ici étaient distinctes, l'électrofaible, la force électrofaible. Là, on explique ce que c'est, une sorte de désintégration nucléaire d'un type particulier, avec l'électromagnétisme, et on obtient la force électrofaible. Donc, on parle souvent de lumière, dont les agents sont souvent des photons, et là, c'est un parti pris tout à fait différent. Vous parlez de la force gravitationnelle, de la gravitation, on va y venir tout de suite. Et généralement, on parle de la gravitation quand on pose la question de savoir, puisque ça, c'est le Graal du Graal qu'on peut chercher, c'est y a-t-il possiblement une réunification de l'ensemble de la mécanique quantique, qui est donc une des théories cadres de notre monde, avec la gravitation, c'est-à-dire la relativité générale. Et vous, vous avez pris ce parti de nous emmener à expliquer, par exemple, et on va y venir, ce que c'est qu'un référentiel, de quelle nature il est, et ainsi de suite. On peut peut-être rapidement caractériser, si vous le voulez bien, ces quatre interactions fondamentales et on pourra passer à celles que vous avez développées. Oui, alors je voudrais juste revenir deux secondes sur le parti pris. Oui. Moi, je crois qu'on parle de lumière d'abord parce que nous sommes équipés d'un détecteur qui sont nos yeux. Oui. Et donc, nous sommes des détecteurs de lumière. Et donc, on est parti de là, on a observé l'univers avec notre détecteur, avec nos yeux. Et puis, petit à petit, on a découvert qu'il y avait d'autres forces fondamentales. Vous avez évoqué la force faible, la force forte, donc qui sont des forces qui agissent au niveau microscopique. Mais d'une certaine façon, on aurait eu un autre type de détecteur à la place des yeux. Peut-être qu'on aurait commencé par la force forte ou par la force ou la force faible. Le point de vue que j'ai essayé de prendre, c'est de dire, finalement, si on réfléchit deux secondes, et on le sait depuis Einstein, ce qui est le moteur de l'univers, ce qui dans ses plus grandes dimensions, c'est pas la lumière. La lumière nous permet de l'observer, mais c'est la gravitation. Oui. Et donc voilà. Donc c'est alors quelque part on le sait depuis Newton, etc. Mais maintenant il y a un changement de paradigme parce que nous allons enfin pouvoir observer la gravitation avec tous ses disons dans toute sa splendeur, si je peux dire. Et donc j'ai voulu, puisqu'on est justement à ce moment de notre histoire où peut-être qu'on va observer l'univers avec la gravitation, et on va y revenir, c'était peut-être le moment de se poser la question et de se dire, je mets la force gravitationnelle comme étant la force, plus fondamentale quand on regarde l'évolution de l'univers. Et puis évidemment, je me pose la question inverse, c'est-à-dire que quand j'étais moi physicien des particules, puisque je viens de la physique des particules, oui, je me posais la question des trois forces fondamentales dont on pense qu'elles sont assez bien décrites par le modèle standard. Et puis on se disait, il va falloir unifier tout ça avec la force de gravitation. Là, j'ai essayé de jouer le jeu inverse, c'est de dire, l'univers est mu par la gravitation. Et comment est-ce que dans cet univers-là, on met les autres forces? Oui. Alors, je crois qu'on peut immédiatement, d'ailleurs, vous commencez par réexpliquer les expériences, soit les expériences de pensée faites par Galilée pour arriver à comprendre un certain nombre de principes. On peut peut-être commencer à expliquer ce que c'est que la relativité galiléenne, qui va nous permettre d'avoir une première définition de ce que c'est que un champ d'inertie. On peut reprendre ce ultra célèbre exemple de ce bateau partant de Venise pour aller jusqu'à Alep, le dit bateau dans lequel les mouches vont et viennent, ainsi de suite, et qui fait que il a un déplacement qui est uniforme, et quelqu'un qui, du haut du mât, jette une pierre, la pierre tombera exactement au pied du mât. Mais si quelqu'un est sur le quai, il n'est pas en mouvement, il est fixe. Alors lui, il verra la pierre tomber selon une autre figure, une courbe. Et on peut peut-être par là introduire la première définition possible de la relativité. Je vous sollicite là-dessus. Alors effectivement, ça peut sembler des constatations évidentes. Ça ne l'était pas à l'époque, puisqu'Aristote nous disait que la Terre ne bouge pas. Oui. Parce que si la Terre bougeait, quand je lance quelque chose en l'air, ça atterrirait quelques mètres derrière moi, parce qu'entre-temps, la Terre a bougé. Oui. Et donc c'est en réponse à ça qu'effectivement, Galilée nous a expliqué qu'effectivement, dans un bateau, je peux faire des expériences et ne pas savoir si le bateau est en mouvement. Si je suis par exemple à l'intérieur, dans la cale du bateau, je ne vais pas savoir si le bateau est en mouvement, à une condition quand même qui est importante, que le bateau soit en mouvement uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante. Oui, c'est ça. On reviendra à ça, puisque c'est... Pas d'accélération. D'accélération, que la vitesse soit constante. Et alors, ça permet de... Vous avez évoqué le mot de référentiel. Oui. Donc ça permet de définir ce que c'est qu'un référentiel. Alors parfois, ça paraît un mot un peu pompeux, le référentiel, parce qu'on l'utilise avec d'autres connotations. Les Anglais appellent ça un cadre de référence, reference frame. Mm-hmm. Et c'est vraiment un cadre, en fait. C'est le cadre, la petite portion du monde dans laquelle je vais faire mon expérience. Donc la cale du bateau. La cabine du bateau est un cadre de référence, un référentiel. Je peux être sur Terre, je peux être dans un avion, je peux être dans un train, etc. Donc ça, c'est le référentiel. Et donc, ce que Galilée nous dit, c'est qu'en fait, si je fais une expérience dans un référentiel qui est en mouvement à vitesse constante par rapport à un autre référentiel, je vais obtenir les mêmes résultats de physique. Donc je n'ai pas pouvoir déterminer si je suis à l'intérieur de mon bateau, je ne peux pas savoir si le bateau est en mouvement, à condition que sa vitesse soit constante. Bien sûr. Alors on va voir des situations très étranges où on ne sait pas non plus ce qui se passe exactement pour le mouvement. On peut en tout cas considérer que, en particulier, les messages lumineux qui peuvent être envoyés, ça c'est pour prévoir ce qui va venir par la suite, mais les messages lumineux à l'intérieur du bateau vont très normalement, comme tout, si je puis dire, les rayonnements lumineux en ligne droite et à la vitesse de 300 000 km à la seconde. Hein ? Alors effectivement, donc là on saute déjà quelques siècles, hein, mais il faut arriver aux ondes gravitationnelles. Donc, donc on saute quelques siècles, mais effectivement, on s'est aperçu au départ la relativité galiléenne, évidemment, était plutôt une relativité des sciences de mécanique, de chute de corps ou de choses comme ça. Mais petit à petit, on a découvert donc l'électromagnétisme et donc la lumière qui va à une vitesse finie qu'on a pu mesurer. Et à ce moment-là, se pose la question, est-ce qu'on étend ce principe de relativité galiléen aux expériences d'électromagnétisme? Et si c'est le cas, il y a une constante qui est la vitesse de la lumière, et donc ça laisse entendre que la vitesse de la lumière serait constante dans tous les référentiels, et ça, ça a été la base de la relativité restreinte, et ça a toutes sortes de conséquences qui frappent l'imagination, parce que ça paraît heurter notre sens commun. Une des conséquences, alors on peut dire aussi très rapidement que la première unification réussie, c'est celle qui a été faite par Newton, où d'un seul coup, dans de belles équations, il a réuni le magnétisme, bien sûr, et l'électricité ou l'électrique. Et puis ensuite, eh bien les choses étaient selon chez Einstein, selon la même volonté, c'est-à-dire qu'il a voulu, c'est dire en d'autres mots ce que vous venez de dire, c'est-à-dire d'un seul coup unifier cet électromagnétisme avec ce qu'on savait de cette mécanique-là, en tout cas à l'époque. Alors on va avoir une chose très étrange, et je vais au fait ou à la conclusion et vous expliquer l'intervalle, c'est que si on fait une expérience d'un train cette fois, après on va être dans des ascenseurs, voire des fusées qui tombent, mais pour aller vite, on est dans un train. S'il y a une expérience, mettons que ce soit Albert qui est dans le train, là, évidemment, il va pouvoir vérifier que la vitesse de la lumière est constante et il va avoir une mesure parfaite. S'il y a un observateur extérieur, je ne sais plus comment vous l'appelez, on pourrait l'appeler Jeanne, oui. Elle va voir des choses très très différentes. Elle va voir des choses concernant la vitesse de la lumière, même un peu bizarre, non ? Bah, disons que elle voit Einstein. On va imaginer que la paroi du train est transparente. Elle, oui, voit Einstein qui... Alors, il faut faire très vite, hein, puisque c'est le rayon lumineux. Top départ, le rayon lumineux part. Mais pendant le temps, puisque la vitesse de lumière est finie, oui, pendant le une temps seconde, parcouru, eh bien, le train a avancé. Donc, en fait, l'observatrice qui est à l'extérieur va voir la lumière parcourir, semble-t-il, une distance plus grande. Oui. Si elle parcourt une distance plus grande et si la vitesse est la même, ça veut donc dire que le temps qu'elle mesure, elle, est plus grand aussi. Et donc, on arrive à cette conclusion à laquelle on n'arrive pas à échapper. C'est que donc, le temps dépend du référentiel où on est. Et donc ça a été ce qui a un petit peu frappé l'imagination dans la relativité restreinte, puisqu'on est toujours en train de parler de donc la théorie d'Einstein de 1905. C'est ça. Et que ces référentiels en mouvement, eh bien le temps ne se passe pas de la même façon, et pas plus que les longueurs d'ailleurs, parce que ça se joue maintenant, on est dans l'espace-temps, vraiment, c'est-à-dire les trois dimensions d'espace et une dimension de temps, et que, évidemment, c'est ce qu'on appelle aussi parfois les événements. Un événement, c'est un point particulier d'espace-temps qui est tout à fait différent de celui d'un autre événement, et que il y a une sorte de singularité de tous ces événements, avec généralement c'est représenté par un cône, avec un horizon en particulier, parce que on peut pas avoir des informations qui viennent de plus vieux que 300 000 kilomètres parcourus par les messages. Donc parmi le flot des causes qui peuvent être dans un événement particulier, il y a un horizon. Absolument. Alors, on va voir que cet horizon va jouer un rôle important, entre autres quand on parle de l'univers, quand on parle de l'univers dans ses plus grandes dimensions, quand on parle des trous noirs, on y reviendra peut-être. Cet horizon, à mon avis, joue un rôle central dans la théorie de la gravitation, en fait. Oui. Et ça veut dire qu'on peut, à partir de là, est-ce qu'on peut mobiliser plutôt le paradoxe des jumeaux de Langevin, est-ce que vous acceptez qu'on utilise cette fois ce pontosan de la vulgarisation? Oui. Allez, allons-y. Si, allons-y. Alors, oui, sans parler de jumeaux, d'ailleurs, on peut dire qu'effectivement façon de mesurer qui dépend du référentiel et l'observateur, on a synchronisé deux horloges. Ensuite, on a pris une des deux horloges, on l'a fait voyager pendant 24 heures dans un avion, et puis on est revenu Et on a comparé, et effectivement, il y avait une différence. Alors, c'est un petit peu plus complexe comme expérience, parce que jusqu'à maintenant, on a parlé de vitesse constante. Alors, évidemment, avion, il va bien falloir qu'il accélère pour décoller. Donc, il y a à analyser cette expérience-là. C'est pour ça qu'on hésite parfois à parler de cette expérience-là. À analyser cette expérience-là, c'est un petit peu plus complexe. Mais on va voir que Einstein a généralisé sa théorie et que dans la relativité générale, on arrive à prendre en compte des accélérations aussi et donc calculer la différence entre les deux horloges. Et c'est bien en accord avec la théorie. Et on en a même besoin tous les jours, en particulier pour les GPS. Hein, c'est absolument. C'est ce qu'on dit tout le temps. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges. Alors, petite question en particulier qui nous est proposée par un personnage qui est derrière la vitre, il s'agit de Jean Frédéric. Il dit, pourquoi constante ? En fait, la lumière est constante parce que, constante non, elle n'a pas la même vitesse quand elle est dans un milieu aqueux, elle n'a pas la même vitesse quand elle est dans un milieu liquide, ainsi de suite. C'est la vitesse constante de la lumière dans le vide. Absolument, ouais. Effectivement, sinon, absolument, c'est une bonne remarque, merci. Nécessaire à apporter. Hein. Voilà. Et à partir donc de ce moment, on a en main, grosso modo, les éléments minimaux de la relativité restreinte, et évidemment, le triomphe, on devrait le fêter, puisque c'est l'année même, absolument. Hein, 1915, donc, ça n'est pas comme le 1905 précédent où, en cinq articles, comme l'on dit, l'ami Albert a révolutionné la physique de part en part. Il a même mis les linéaments de la mécanique quantique avec laquelle il n'était pas d'accord. Bon, 1915, relativité générale cette fois. Et alors là, qu'est-ce qu'on peut dire pour introduire la chose ? Est-ce que il faut, parce que là maintenant on va s'acheminer lentement vers les ondes gravitationnelles, est-ce qu'il faut dire qu'il y a des considérations encore plus paradoxales avec la relativité restreinte ? En particulier, le vide n'existe pas et l'espace est formé par des masses qui s'y trouvent. Par exemple, j'en suis choisi une au hasard. Alors effectivement, au départ, pour moi, ça part d'une idée très simple. Einstein se dit, bon, jusqu'à maintenant, le principe de relativité galiléen qu'il a appliqué à l'électromagnétisme supposait qu'il regardait des référentiels en mouvement uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante les uns par rapport aux autres. C'est ça. Donc la question naturelle, c'est de se dire, bon, il y a une limitation, là, qu'est-ce qui se passe si j'ai un référentiel qui accélère ? Et donc, il a essayé de comprendre ce qui se passait. Et c'est là où, effectivement, les conclusions sont, un petit peu comme dans le cas de la relativité restreinte, inattendues. Alors, tout à l'heure, on évoquait l'ascenseur, donc on va peut-être, je peux peut-être reprendre l'exemple de l'ascenseur. Oui. Si je tombe dans un ascenseur, si je descends dans un ascenseur, je suis soumis à la force de gravité. Maintenant, imaginez que je coupe le fil qui retient l'ascenseur, je mets à flotter dans l'ascenseur. Oui. Donc tout se passe comme si il n'y avait plus de force gravitationnelle. C'est ça. Et aucune masse en présence qui puisse agir. Voilà. Et donc il va établir un lien entre et c'est là où la gravité rentre vraiment en jeu. Il va établir un lien entre accélération. L'ascenseur en chute libre, par exemple, qui subit une accélération, et puis force gravitationnelle ou champ gravitationnel, il va établir une équivalence, il va même l'ériger en principe, c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Et alors, d'un seul coup, je dirais, c'est tout l'univers qui rentre, puisqu'on a dit que la force gravitationnelle était la force qui régissait l'univers dans ses plus grandes dimensions. Et donc, c'est tout l'univers qui rentre dans la théorie, et il va avoir moi, ce qui me frappe le plus, enfin, en ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est que du coup, il va en tirer des équations, qu'on appelle les équations d'Einstein, mais il va surtout essayer d'appliquer ces équations à tout l'univers. Oui. Alors c'est pas complètement surprenant puisque justement d'un seul coup, comme je disais, la force gravitationnelle arrive, rentre au centre de la scène, si on peut dire, et donc, il essaye ça, et c'est ça qui va nous amener effectivement à avoir une théorie de tout l'univers qui est la théorie de la gravitation d'Einstein. Alors on va reprendre cette histoire d'ascenseur. Après, ça va se transformer. D'un seul coup, cet ascenseur, on va le transformer en fusée. Mais donc, il y a effectivement, si on se retrouve dans un ascenseur qui d'un seul coup pète son câble, si je puis dire, et qu'on tombe en chute libre, on ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire que, imaginons que tout soit fermé, c'est le cas d'un ascenseur, il n'y a pas d'ouverture, donc on ne peut pas avoir une perspective qui nous permette de comprendre qu'on est en déplacement, par exemple. On est évidemment dans le sentiment qu'on est en apesanteur. Et si maintenant je lance une petite bille, eh bien, dans ce référentiel qu'est cet ascenseur qui tombe en chute libre, cette petite bille, elle va partir selon un mouvement, une des lois de Newton, et elle va avoir une trajectoire parfaitement rectiligne, linéaire. Tout à fait. Gentiment. Et donc elle va sembler flotter simplement. Alors, si on est à l'extérieur, on sait ce qui se passe. Elle tombe en même temps que nous. Donc, mais il semble qu'elle flotte, effectivement. Oui. Et si quelqu'un est à l'extérieur, alors lui, il va voir quelque chose de tout à fait différent. Il va voir que elle a pas un déplacement en ligne droite, mais qu'elle se déplace selon une courbe. Pierre Binetruy, pourquoi ? Alors, justement parce que c'est un point de vue de référentiel, on change de référentiel, on a un référentiel qui est lié à l'ascenseur, c'est mon référentiel si je suis à l'intérieur de l'ascenseur, et on parlait récemment d'une petite expérience qu'on peut faire très simple, vous prenez une boîte à chaussures, et puis vous mettez une petite caméra à l'intérieur, et vous laissez tomber la boîte à chaussures, et bien vous allez voir que les objets flottent à l'intérieur, et on m'a même dit que si je prends une petite bougie, alors c'est peut-être pas conseillé, mais prenez pas une boîte à chaussures à ce moment-là, et bien la flamme de la bougie n'est plus allongé, mais est presque sphérique. Effectivement, tout se passe dans ce référentiel comme si on était plus sensible à la force gravitationnelle. Petite parenthèse, on voit bien que dans tous les cas, puisque il y a des référentiels différents qui peuvent s'observer les uns les autres, on voit évidemment qu'ils n'ont aucune dimension de simultanéité exacte. Et donc, on est dans le monde de la non-équivalence, là, de façon générale, et donc de la perspective relative, de la perspective singulière à chaque fois, et qu'il faut définir. On est vraiment au cœur du principe de relativité. Oui. Là, petite parenthèse, vous avez une façon de présenter, parce que généralement on dit... Si je jette un kilo de plume, c'est-à-dire un oreiller de 1 kilo du haut de la tour Eiffel et que je jette en même temps une boule de plomb de 1 kilo, laquelle arrive la première ? Généralement, les gens disent c'est la boule de plomb. Non, ils arriveront ensemble, paraît-il que ça a même été fait et il y aurait, bon, pour des forces de frottement, je sais pas, quelque chose qui soit nano de nanoseconde, en tout cas. Et puis vous faites une autre expérience pour mieux montrer que les choses sont différentes. Vous prenez un gros livre, c'est Lead Wheeler, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, allez, racontez votre expérience pour faire comprendre. J'ai toujours eu un grand succès avec cette expérience. Tout est contre-intuitif. Écoutons. Voilà, donc l'idée est de prendre un gros bouquin et une feuille de papier. Alors vous laissez tomber de façon parallèle, il est clair que le bouquin tombe très vite, la feuille de papier volette. Alors après, je dis, écoutez, je vais vous montrer qu'ils tombent quand même ensemble. Donc je mets le bouquin sur la feuille de papier et je les laisse tomber l'un au-dessus de l'autre. Et tout le monde me dit, oui, c'est normal, le bouquin a poussé la feuille de papier. Alors je dis, très bien, on va voir l'inverse. Donc je mets la feuille de papier au-dessus du livre. Et je dis est-ce que vous pensez que la feuille de papier va pousser le gros bouquin de Wheeler? Alors tu me dis non, et puis je lâche et effectivement les deux tombent exactement de la même façon. Alors c'est simplement parce qu'effectivement le livre a empêché la feuille de papier en tombant, il lui soustrait les frottements de l'air, et donc on voit à ce moment-là, on n'a pas besoin de chambre à vide ou quoi que ce soit, on voit que la feuille de papier tombe exactement comme le livre. Succès alors, garanti. Oui. Avant notre pause, on peut peut-être aussi introduire un des ingrédients absolument nécessaires, c'est que il faut évidemment, quand on évoque les forces, décrire le champ qui évidemment fonctionne, un champ électromagnétique par exemple, et pour le développement de cette force, il faut imaginer un intermédiaire, il faut imaginer quelque chose qui soit le vecteur de cette force. Par exemple, dans l'électromagnétisme, c'est le photon. Bien évidemment, dans le cas de l'électrofaible, c'est les trois bosons, le W plus ou moins et le Z0. Et il faut donc ainsi, pour chacune des forces, imaginer un champ et son transporteur. n'aimait pas beaucoup le mot d'intermédiaire. Oui, parce que... Force intermédiaire, enfin bon. Oui, ça s'utilise, je sais pas. Bon, moi, quelque part, c'est vraiment au centre. Alors, c'est pas juste un intermédiaire, en fait. C'est un agent. C'est un agent. Effectivement. Donc, de plus en plus, alors c'est plutôt la physique quantique d'ailleurs qui nous a appris à voir ça comme ça. Hein. C'est la fameuse dualité entre une onde et un corpuscule. Et un corpuscule, oui. Mais qui nous permet de voir à la fois les forces qui s'exercent ou les interactions, à la fois comme des interactions avec des émissions d'ondes, mais aussi des émissions de particules. Donc, par exemple, le photon. Et donc, si la gravité est quantique, on imagine qu'à ce moment-là, quand j'ai deux masses qui interagissent, en fait, elles interagissent en émettant aussi, en échangeant des particules qu'on appelle le graviton. Oui. Et il est, lui, très étrange parce qu'il se met à ressembler au photon alors que ça semble être une force absolument effroyable, c'est-à-dire qu'il est sans masse. Alors que les bosons, tous, et en particulier le boson de Higgs, mais là, on ne va pas rentrer dans ces détails, ont des masses variables, pas des masses nulles ou des masses extraordinairement importantes, en particulier pour le boson intermédiaire W ou Z0. Bon, certains de ces bosons ont des masses très très importantes. Alors, c'est relié à la portée de l'interaction, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le cas de la force faible ou de la force forte, on a des forces de portée relativement réduites, des forces microscopiques, donc elles n'agissent pas à très grande distance. Dans le cas de la force électromagnétique ou de la force gravitationnelle, on a des forces de très longue portée, même de portée infinie. Même si elles sont faibles. Donc, c'est là encore des caractéristiques. Alors que, pour prendre un contre-exemple, ce qui tient de façon alors encore plus bizarroïde, ce qui forme l'intérieur des éléments du noyau, les protons et les neutrons, donc les quarks, ont comme boson intermédiaire, si je puis dire, des gluons. Alors eux, ils font tout à fait l'inverse, puisque plus on essaye de tirer, cette force se tend. Et donc, il est très très difficile de former, on le verra dans un instant, des noyaux d'atomes, en particulier pour cette raison-là. Et une fois qu'ils sont formés, très difficile de les disloquer. Voilà, passé allègrement et dans un univers totalement dominé par la gravitation, en présence de Pierre Vinetruy, dont le dernier ouvrage, l'ouvrage qui nous mobilise aujourd'hui, s'intitule « À la poursuite des ondes gravitationnelles ». Revenons immédiatement sur cette gravitation. Alors, il y a une chose qui est étrange, puisque, évidemment, elles ont des portées différentes. Ces forces fondamentales, ces forces qui dirigent et qui sont donc quatre. Alors, c'est paradoxal avec la gravitation, puisque elle est très puissante. Elle est très très puissante quand deux corps très très massifs sont proches l'un de l'autre. C'est terrible la force de gravitation qu'il y a entre eux. Et quand on a une telle force de concentration gravitationnelle, on tombe sur un trou noir. Et pourtant, elle est de portée infinie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Alors, elle est très forte, évidemment, quand on a des objets très massifs. Si on la compare aux autres forces, elle est plus faible que les autres forces. En fait, c'est la plus faible des forces fondamentales. Par contre, revenons deux secondes à la raison pour laquelle c'est elle qui agit sur les plus grandes distances. Il y a deux forces, on vient de le dire, de portée a priori infinie. C'est la force électromagnétique et la force gravitationnelle. Maintenant, la force électromagnétique, elle agit sur les charges. Il y a des charges positives et des charges négatives. Donc, si vous mettez deux charges à une certaine distance, bah, il y a plein de charges dans l'univers. Elles vont être écrantées par toutes les charges de l'univers. Donc, en fait, elle est a priori de portée infinie, mais parce qu'il y a des charges positives et des charges négatives, eh bien, à grande distance, elle est ce qu'on appelle écrantée, c'est-à-dire qu'en fait, elle est affaiblie par ce phénomène-là. Les masses, il n'y a que des masses positives, donc il n'y a pas de possibilité d'écranter la force gravitationnelle. Et donc, c'est pour cette toute simple raison que la force gravitationnelle agit sur les plus grandes dimensions, agit au niveau des plus grandes dimensions de l'univers. Alors, revenons là sur un point d'histoire. Très rapidement, va être mis sur pied, une expérience qui sera dirigée par Eddington et qui va regarder l'occultation à un moment du Soleil particulier. Et on va voir vraiment dont Einstein ne doutait absolument pas un instant, alors qu'on dit que Planck avait très très mal dormi en attendant le résultat, lui avait dormi sur ses deux oreilles, eh bien que à la proximité du Soleil, l'espace est courbé par cette masse, et qu'en particulier, ça peut permettre de voir quelque chose qui est derrière. Et donc il y a cette idée, là encore, dans cet espace étrange, quadrillé, comme on l'a vu, avec sa relativité espace-temps, eh bien, tout change, bien évidemment, et en particulier la constitution, la nature même de l'espace, puisque avant, il n'y a rien, et ce sont la présence des masses qui organisent donc cet espace. C'est pas quelque chose qui, et on va en avoir besoin rapidement, mais on pourra pas s'étendre non plus. C'est pas le vide, c'est pas un vide, c'est les masses qui donnent naissance à l'espace. Alors, c'est effectivement, tout à l'heure, on parlait du principe d'équivalence, l'équivalence entre accélération oui. et gravitation. Alors, on avait parlé de l'exemple de l'ascenseur. On a évoqué qu'on allait monter dans une fusée aussi. Eh bien, dans une fusée, effectivement, c'est un petit peu la même chose. Si la fusée est loin de toute source gravitationnelle, eh bien, vous allez flotter dans la fusée. Et puis, si la fusée accélère, vous allez d'un seul coup tomber au sol. Être collé au sol. Être collé au sol, exactement comme dans le cas de l'attraction gravitationnelle. Oui. Et donc, de ce point de vue-là, il y a de nouveau ce jeu entre accélération et gravitation. Alors maintenant, si dans cette fusée, vous pointez un rayon lumineux, eh bien, parce que la fusée accélère, le rayon lumineux va vous sembler courbé. Alors, c'est simplement une apparence, mais ce que dit Einstein, c'est que oui, mais la fusée en accélération, c'est comme la fusée près d'une source de gravitation, d'une masse. Et donc, ça veut dire que les masses courbent le trajet des rayons lumineux. Et maintenant, on interprète ça en disant que cette fameuse espace-temps dont on parlait tout à l'heure est en fait courbée. Les rayons lumineux prennent le plus court chemin, et le plus court chemin dans un espace-temps courbé, ça peut ne pas être la ligne droite. Oui, et d'ailleurs, ça fait penser au fait que ça paraît très très abstrait quand Galilée, par exemple, installe, et évidemment, ça sera le grand chef-d'œuvre de Newton que de donner toutes les raisons, mais cette force d'inertie, c'est-à-dire cette chose qui va tout le temps à la même vitesse, continue, en ligne droite, où on se demande quel est son moteur, on réfléchit plus. À partir du moment où elle a eu un petit pichenette, ou peu importe, eh bien elle va à son chemin. Et dès qu'il va y avoir une accélération, cette fois, qui lui sera appliquée, alors là, les choses vont changer. Les choses vont changer, effectivement. C'est-à-dire que... C'est très abstrait au départ, l'inertie, le principe d'inertie. Et donc, il faut bien comprendre qu'on est en train de toucher à la texture de l'espace-temps. Oui. Là. Oui. C'est ce qu'on appelle un espace-temps courbe. Et donc, on est obligé, à ce moment-là, encore une fois, la lumière, par exemple, ou des particules qu'on va laisser comme ça, à qui on va donner une pichenette, vont suivre le plus court chemin. Et le plus court chemin n'est pas nécessairement celui qu'on croit, disons, la ligne droite. Alors, petit retour, et après on va passer au grand début, mais petit retour, donc, quand on parle par exemple de champ électromagnétique, on peut dire que, évidemment, c'est autant des photons que le champ de vibration des photons, le champ électromagnétique. Hein, c'est un espace de vibration, n'est-ce pas? On peut l'appeler comme ça. Tout à fait. Oui, oui. D'ailleurs, il peut être vide. Oui, oui. Et il peut y en avoir dans l'espace, il peut y avoir des champs de Higgs, par exemple, dans l'espace, et qui d'un seul coup, par une espèce de malice qu'on n'expliquera pas, va donner la masse, qui est une concentration, là encore, d'énergie. Hein, avec votre interprétation, selon la gravitation de la fameuse équation, généralement on met le doigt plutôt sur la question de l'énergie, E égale MC2, oui. Le concentré d'énergie, c'est-à-dire c'est la masse. Ouais. La masse inertielle, rien à voir avec le poids, bien évidemment. Et là, on est donc face à ça. Alors, est-ce qu'on doit maintenant opérer un distinguo très important? Retenons l'idée donc qu'il y a des sortes d'ondes électromagnétiques, mais à l'instar de ces ondes électromagnétiques, il y a des ondes gravitationnelles. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont de deux types? Il y a d'abord les ondes gravitationnelles primordiales, c'est-à-dire celles qui sont au tout début, qui intéressaient beaucoup Joseph Silk, puisque lui, son idée était de comprendre comment dans un espace lisse homogène, il allait y avoir des agrégations, des petits grumeaux qui finiraient en étoiles, qui elles-mêmes s'agrégeraient en galaxies, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les ondes gravitationnelles qui se produisent tout le temps, si je puis dire, les ondes communes, qui sont différentes de celles du début. Je sais pas. Moi, je dirais qu'il y a qu'un type d'onde gravitationnelle. Bon. Après, il y a des sources d'ondes gravitationnelles différentes. Oui, d'accord. Oui. Je dirais plutôt comme ça. D'accord. Effectivement. Oui. On dit que la masse courbe l'espace-temps, et donc dès qu'il y a un mouvement de masse, ça va déclencher exactement comme si je jette un caillou à la surface de l'eau, ça va déclencher des ondes de déformation. Eh bien, dès qu'il y a un mouvement de masse, ceci va engendrer des ondes de déformation qui sont ces ondes gravitationnelles. Alors après, ça peut être une explosion, ça peut être deux astres qui tournent l'un autour de l'autre, ou ça peut être le Big Bang, ou ça peut être une expansion extrêmement rapide de l'univers. Tout ça induit des mouvements de masse, des mouvements d'énergie qui induisent donc des déformations de courbure qu'on appelle ondes gravitationnelles. Alors, il faut, petit rappel là encore très très bref, hein, il faut savoir que à la fin du 19e et même encore dans le début du 20e, grosso modo, l'univers s'arrêtait à l'horizon de notre galaxie. Et il a fallu Hubble pour montrer d'abord que c'était une concentration d'étoiles. Et puis on a commencé à regarder encore plus loin et on est tombé sur la galaxie d'Andromède qui d'ailleurs fonce tranquillement vers nous. Pour une fois, tiens, tout ne se fuit pas, mais en tout cas Hubble a montré qu'il y avait une expansion. Et puis pour aller encore plus vite, évidemment, cette expansion avait donc une vitesse constante, la constante de Hubble, c'est bien ça. Oui. Et puis dans des travaux récents, en observant très très finement certaines supernovae, là encore je fais ça pour gagner du temps, hein, parce que c'est une magnifique histoire, on s'est aperçu qu'il y avait une accélération de la vitesse de l'expansion. Ouf! Alors, vous cherchez quoi exactement à partir de là? Pierre Binotruy. Alors, beaucoup de choses. La question est vaste. Oui, choisissez. Allez, on peut pas tout dire. Effectivement, premièrement, quand on parle d'expansion de l'univers, donc tout ça peut être décrit par des solutions des équations d'Einstein. Donc Einstein, dans sa théorie de la relativité générale, a écrit des équations. Oui. Et il a essayé d'abord d'avoir des solutions d'un univers statique, parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on croyait. On croyait que l'univers était réduit à notre galaxie. La plus grande bêtise de sa vie, dixit l'oncle Albert. Et puis, on s'est vite aperçu qu'il y avait des solutions qui étaient aussi en expansion. Et donc, ça montre bien que l'expansion est vraiment reliée avec la théorie de la gravitation, c'est-à-dire avec puisqu'elle est décrite par les équations d'Einstein. Maintenant, il y a toutes sortes de questions qui se posent. J'en profite pour souligner quand même la cosmologie est un domaine où il y a plein de surprises aussi, de surprises observationnelles. Il n'y a pas que des concepts théoriques effectivement, au début, en 1999, on s'aperçoit qu'il y a accélération de l'expansion de l'univers, ce qui nécessite après de comprendre la source de cette accélération, puisque aussi bien la masse que le rayonnement ont tendance à décélérer l'expansion de l'univers. C'est ça. Donc, nouvelle composante dans l'univers, cette fameuse énergie sombre qu'on a baptisée justement, qui montre bien, c'est une forme d'énergie dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'elle devrait accélérer l'expansion de l'univers. Aïe, aïe, aïe, l'énergie sombre. Alors, on peut peut-être cette fois coupler deux choses, parce que là encore, sous le regard de la gravitation, et donc de ce qu'elle nous apprend, avant l'énergie sombre, on pourrait parler... Vous n'aimez pas dire, Pierre Binetruil, la matière noire ou l'énergie noire, ça vous plaît pas, ça? C'est sombre. Oui, moi je dis sombre, c'est l'équivalent d'ailleurs de ce qu'on dit en anglais, dark, parce que un corps noir, c'est un corps qui absorbe tout. Donc, il est noir parce qu'il absorbe toute la lumière. La matière sombre, elle est simplement non lumineuse. Donc, pour moi, dire noir, ça voudrait dire qu'elle absorbe. Non, au contraire, on va voir que, justement, maintenant, des façons de faire des cartes de la matière sombre, c'est justement de voir la lumière qui traverse. Donc, on va revenir d'ailleurs, c'est la lumière qui passe à proximité de cette matière sombre. Les rayons lumineux vont être déviés, pour la raison qu'on a évoquée. Et donc, en cartographiant cette déviation, on va cartographier cette matière sombre. Mais là, on voit bien que cette matière sombre, elle absorbe rien du tout. Elle n'interagit pas. Non lumineuse, elle n'émet pas de lumière. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser sombre que noir. Alors, évidemment, elle existe. On la voit pas. Elle est sombre, mais elle existe. En particulier, quand on fait le calcul de masse de n'importe quel objet, peu importe, vous pouvez choisir celui que vous trouvez le plus intéressant, Pierre Binetruil. Eh bien, il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour que le compte gravitationnel y soit. Hein. Et donc, on en conclut qu'il y a quelque chose de drôle, très bizarre, c'est ce que vous venez de définir, cette fameuse matière noire. Hein. Matière sombre. Matière sombre, pardon. Eh oui, pardon, oui, il faut que je me corrige. Premier étonnement d'abord. Hein. Passons à l'énergie cette fois. Sombre, il faut que je fasse attention. Alors là, ça s'appelle carrément la quintessence. Donc on se retrouve avec des considérations aristotéliciennes pour le cinquième élément, l'éther, hein, cette chose étrange qui tenait la sphère des fixes. Bon, et alors là, c'est une énergie d'un autre type, qui aurait d'ailleurs laissé des traces gravitationnelles. C'est bien ça, Pierre Binetruil? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on peut dire alors? Est-ce que dans cette recherche de la matière sombre et surtout de l'énergie sombre, se pose le problème des ondes gravitationnelles? Alors, d'abord, la matière sombre, parfois les gens font tout ça est sombre, donc la matière sombre, c'est simplement une nouvelle forme de matière. Probablement, hein, parce que on pourrait éventuellement expliquer un certain nombre des phénomènes en modifiant la théorie d'Einstein, mais c'est extrêmement compliqué. Oui. Donc, il y a une école qui fait voilà, ça. Voilà, il y a effectivement des donc faut quand même faut l'évoquer, mais c'est extrêmement compliqué. L'énergie sombre, c'est beaucoup plus compliqué, c'est encore plus compliqué parce qu'alors là, c'est une forme d'énergie que nous ne connaissons pas. Du tout. Comme je disais, qui a des propriétés différentes de la matière, puisque la matière décélère l'expansion, cette nouvelle forme doit l'accélérer. Alors, on essaye de la caractériser, par ce qu'on appelle son équation d'état, et pour l'instant, tout laisse entendre que ça ressemble fortement à ce qu'on appelle l'énergie du vide quantique. Et donc là, ça nous amène au lien entre physique quantique et gravitation. Alors, ça va, on s'achemine vers... il faudrait qu'il y ait une émission par concept décidée, mais enfin, on s'achemine lentement. Donc, vous venez de parler d'énergie du vide. On peut essayer de faire comprendre, c'est-à-dire que, bon, de vide, il n'y a pas. Hein, on peut dire ça. C'est-à-dire qu'il y a des champs partout, et d'une certaine façon, de vide, vide, vide, il n'y en a pas. Même si on ne voit dans un certain espace, si je puis dire, aucune particule. Pour une raison simple, je vais vite et vous allez poursuivre, c'est parce que de manière absolument incessante, ce qui apparaît comme vide forme des particules, des antiparticules qui vont s'annihiler de façon incessante. Donc il faut expliquer l'effet Casimir parce que je trouve que là c'est parlant et que ça a été drôlement malin que ce monsieur Casimir, un Hollandais, pour montrer qu'il se passait quelque chose avec deux plaques de métal mises dans certaines conditions où il n'y avait rien et pourtant il se passait quelque chose. Alors, effectivement, les deux plaques de métal étaient attirées et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a entre les plaques de métal ces fluctuations quantiques du champ électromagnétique qui ont un effet très petit, mais un effet non négligeable, qui a pu être mesuré. Et donc, voilà, donc d'une certaine façon, on mesure l'effet du vide entre les deux plaques, qui est un effet attractif. Et alors, donc, la question se pose au niveau de tout l'univers, cette fois-ci, parce que, comme toute forme d'énergie dans l'univers contribue à l'expansion, eh bien, on se dit que cette forme d'énergie... Alors, qu'est-ce que c'est que le vide au niveau de tout l'univers ? C'est un petit peu l'état fondamental, c'est-à-dire l'état sur lequel va se construire l'univers. Vous préférez d'ailleurs parler, plutôt que de vide, de l'état fondamental. Oui, parce que vide, on se dit... C'est l'état la ligne de base, de fond, quoi, c'est ça. Oui, c'est... Vide ayant un sens, disons aussi dans le langage parlé, ça il me semble que c'est plus simple de comprendre que c'est un état fondamental sur lequel on construit tout l'univers, oui. Et que cet état fondamental a une énergie qu'on ne sait pas calculer parce qu'on ne sait pas relier la théorie quantique et la théorie de la relativité. Et oui, bien sûr. Mais en tout cas, quand on parle de cet effet Casimir, on peut dire qu'il est macroscopique, hein. C'est-à-dire que ces plaques, il faut pas un microscope à effet tunnel pour l'observer, hein. Oui, d'ailleurs, récemment, on s'est aperçu que on connaît mal la force gravitationnelle à très courte distance à cause de l'effet Casimir. C'est-à-dire que si vous voulez connaître la force gravitationnelle à très courte distance, vous devez approcher deux masses, l'une de l'autre, très proche, au millimètre près, au micron près, etc. Eh bien, à ce moment-là, il s'exerce une force entre ces deux masses qui est justement due à l'effet Casimir. Et donc, l'effet Casimir vous empêche d'observer la force gravitationnelle à très courte distance. Oui. C'est quand même, là encore, totalement contre-intuitif. C'est une science difficile. Et s'il fallait rentrer un minimum dans les mathématiques qui sont derrière et qui sont l'armature même, le squelette de ces phénomènes réalisés dans notre univers, pas facile la physique, hein, quand même. Avouons, allez. Non, je suis pas d'accord. Alors, moi je trouve ça très beau, passionnant, cette idée étrange que deux plaques se rapprochent par un effet qu'on pouvait absolument pas prévoir, qui s'appelle Casimir. Je trouve même que il y a comme une valse Casimir. Enfin, passons. Là, je me laisse presque aller devant le plaisir de la découverte et mon amour de la physique. C'est contre-intuitif si on imagine que c'est nos cinq sens qui nous donnent la connaissance de la réalité physique autour de nous. Alors je crois que justement, ce qu'a montré aussi bien la mécanique quantique au XXe siècle que la relativité générale, c'est qu'en fait il faut aller au-delà de ça et que nos sens nous trompent aussi. Et donc il faut construire une nouvelle intuition en essayant de comprendre quelques concepts, je dirais, qui sont centraux. Et c'est peut-être ça qui apporte le plus, c'est la physique moderne nous apporte ces nouveaux concepts, bien en sûr. Fait. Alors, c'est les questions finales, il y en a deux. On ne pourra pas les développer, mais en tout cas, à la question « Sommes-nous sûrs que les ondes gravitationnelles existent ?» On répond « Oui ». On peut répondre « Oui ». Oui. En particulier, les pulsars ont permis de se dire « Tiens, les pulsars, c'est ces étoiles qui tournent des étoiles à neutrons qui tournent très, très, très, très vite, hein, qui font 300... fois en une seconde le taux sur elle-même. Alors effectivement, donc on regarde des systèmes binaires de pulsars, donc deux pulsars, donc c'est de la matière en mouvement, donc ça veut dire que ça déforme l'espace-temps, et donc ça veut dire que ça produit des ondes gravitationnelles. Et donc ça perd de l'énergie, et donc ces pulsars qui sont très réguliers dérivent en temps, et cette dérive en temps est absolument prédite par la relativité générale sous forme de production d'ondes gravitationnelles. Donc c'est une preuve indirecte des ondes gravitationnelles. Et est-ce que on a le bon matériel dans le ciel? Parce qu'il y a eu l'affaire, Planck évidemment est extraordinaire. Il a montré très très finement, par exemple, les lieux où se présentent des grains de anisotropie. Et d'un seul coup, il y a eu biceps. On rentre pas dans les détails, mais où on les aurait peut-être vus, ces ondes gravitationnelles. Bon, vous pensez qu'on va les voir, qu'on va les détecter? Moi, je pense qu'on a. Oui, c'est une période, je trouve, remarquable, puisque on a à la fois et là, je ne parle pas même de cette année, mais disons le siècle où on est, nous permet de comprendre que les ondes gravitationnelles jouent un rôle important dans la dynamique de l'univers, parce que la dynamique de l'univers est gravitationnelle. Et en parallèle, nous avons les instruments. Oui. Alors, je ne vous dis pas la semaine prochaine, Bien sûr. Donc dans les 10 ans ou les 20 ans, nous avons les instruments pour voir l'univers, non plus avec la lumière, mais avec les ondes gravitationnelles. Donc on a une chance fabuleuse, et donc c'est un peu le but du livre, que justement d'expliquer cette chance fabuleuse, et donner un petit peu les moyens de comprendre pourquoi on a autant de chance. En tout cas, mille merci d'être venu et de répondre à notre invitation, Pierre Lunetri. Je ne peux vraiment que recommander cet ouvrage, parce que si, de façon comme un peu volubile, on a essayé de donner les grandes idées, dans le détail, vous avez un vrai talent de vulgarisation, je vous flagorne pas. Et surtout, on est étonné par le mode de présentation qui fait comprendre. Et là, avec tout ce qui va arriver, si on n'a pas dans la poche une petite idée des référentiels, qu'ils soient inertiels, en déplacement uniforme ou en déplacement accéléré, on risque d'avoir du mal. À la poursuite des ondes gravitationnelles, c'est publié aux éditions Duno. Et bien sûr, c'était Continent Science. Merci bien sûr aussi de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont les bienvenues. Merci à Jean-Frédéric pour sa question d'importance. C'est lui qui a mis cette émission en onde. Pour la documentation, Thierry Beauchamp, amateur de champs inertiels, je le suppose. À la réalisation, Dany Journeau, Stéphane Denis-Georges, Continent Science, comme vous le savez, balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous reportez donc au site internet franceculture.fr.